Section 11 de La fille aux yeux d'or par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Grégolin. À l'heure dite, Henri fut sur le boulevard, vit la voiture et donna le mot d'ordre à un homme qui lui parut être le mulâtre. En entendant ce mot, l'homme ouvrit la portière et déplia vivement le marchepied. Henri fut si rapidement emporté dans Paris, et ses pensées lui laissèrent si peu la faculté de faire attention aux rues par lesquelles il passait, qu'il ne sut pas où la voiture s'arrêta. Le mulâtre l'introduisit dans une maison où l'escalier se trouvait près de la porte cochère. Cet escalier était sombre, aussi bien que le palier sur lequel Henri fut obligé d'attendre pendant le temps que le mulâtre mit à ouvrir la porte de l'appartement humide, nauséabond, sans lumière, et dont les pièces, à peine éclairées par la bougie que son guide trouva dans l'antichambre, lui parurent vides et mal meublées, comme le sont celles d'une maison dont les habitants sont en voyage. Il reconnut la sensation que lui procurait la lecture d'un de ses romans d'Anne Radcliffe, où le héros traverse les salles froides, sombres, inhabitées de quelques lieux tristes et déserts. Enfin, le mulâtre ouvrit la porte d'un salon. L'état des vieux meubles et des draperies passées dont cette pièce était ornée la faisait ressembler au salon d'un mauvais lieu. C'était la même prétention à l'élégance et le même assemblage de choses de mauvais goût, de poussière et de crasse. Sur un canapé couvert en velours d'Utrecht rouge, au coin d'une cheminée qui fumait et dont le feu était enterré dans les cendres, se tenait une vieille femme assez mal vêtue, coiffée d'un de ces turbans que savent inventer les femmes anglaises quand elles arrivent à un certain âge, et qui aurait infiniment de succès en Chine, où le beau idéal des artistes est la monstruosité. Ce salon, cette vieille femme, ce foyer froid, tout eût glacé l'amour si Paquita n'avait pas été là, sur une causeuse, dans un voluptueux peignoir, libre de jeter ses regards d'or et de flamme, libre de montrer son pied recourbé, libre de ses mouvements lumineux. Cette première entrevue fut ce que sont tous les premiers rendez-vous que se donnent des personnes passionnées qui ont rapidement franchi les distances et qui se désirent ardemment sans néanmoins se connaître. Il est impossible qu'il ne se rencontre pas d'abord quelques discordances dans cette situation gênante jusqu'au moment où les âmes se sont mises au même ton. Si le désir donne de la hardiesse à l'homme et le dispose à ne rien ménager, sous peine de ne pas être femme, la maîtresse, quelque extrême que soit son amour, est effrayée de se trouver si promptement arrivée au but et face à face avec la nécessité de se donner qui, pour beaucoup de femmes, équivaut à une chute dans un abîme au fond duquel elles ne savent pas ce qu'elles trouveront. La froideur involontaire de cette femme contraste avec sa passion avouée et réagit nécessairement sur l'amant le plus épris. Ces idées qui souvent flottent comme des vapeurs autour des âmes y déterminent donc une sorte de maladie passagère. Dans le doux voyage que deux êtres entreprennent à travers les belles contrées de l'amour, ce moment est comme une lande à traverser, une lande sans bruyère, alternativement humide et chaude, pleine de sables ardents, coupée par des marais et qui mène au riant bocage vêtu de roses où se déploie l'amour et son cortège de plaisir sur des tapis de fine verdure. Souvent, l'homme spirituel se trouve doué d'un rire bête qui lui sert de réponse à tout. Son esprit est comme engourdi sous la glaciale compression de ses désirs. Il ne serait pas impossible que deux êtres également beaux, spirituels et passionnés, parlassent d'abord des lieux communs les plus niais, jusqu'à ce que le hasard, un mot, le tremblement d'un certain regard, la communication d'une étincelle, leur aient fait rencontrer l'heureuse transition qui les amène dans le sentier fleuri où l'on ne marche pas, mais où l'on roule sans néanmoins descendre. Cet état de l'âme est toujours en raison de la violence des sentiments. Deux êtres qui s'aiment faiblement n'éprouvent rien de pareil. L'effet de cette crise peut encore se comparer à celui que produit l'ardeur d'un ciel pur. La nature semble au premier aspect couverte d'un voile de gaze, l'azur du firmament paraît noir, l'extrême lumière ressemble aux ténèbres. Chez Henri, comme chez l'Espagnol, il se rencontrait une égale violence, et cette loi de la statique en vertu de laquelle deux forces identiques s'annulent en se rencontrant pourrait être vraie aussi dans le règne moral. Puis l'embarras de ce moment fut singulièrement augmenté par la présence de la vieille momie. L'amour s'effraie ou s'égaye de tout. Pour lui, tout a un sens, tout lui est présage, heureuse ou funeste. Cette femme décrépite était là comme un dénouement passible et figurait l'horrible queue de poisson par laquelle les symboliques génies de la Grèce ont terminé les chimères et les sirènes si séduisantes, si décevantes par le corsage, comme le sont toutes les passions au début. Quoiqu'Henri fût non pas un esprit fort, ce mot est toujours une raillerie, mais un homme d'une puissance extraordinaire, un homme aussi grand qu'on peut l'être sans croyance, l'ensemble de toutes ces circonstances le frappa. D'ailleurs, les hommes les plus forts sont naturellement les plus impressionnés et conséquemment les plus superstitieux, si toutefois on peut appeler superstition le préjugé du premier mouvement, qui sans doute est l'aperçu du résultat dans les causes cachées à d'autres yeux mais susceptibles aux leurs. L'Espagnol profitait de ce moment de stupeur pour se laisser aller à l'extase de cette adoration infinie qui saisit le cœur d'une femme quand elle aime véritablement et qu'elle se trouve en présence d'une idole vainement espérée. Ses yeux étaient tout joie, tout bonheur, et il s'en échappait des étincelles. Elle était sous le charme et s'enivrait sans crainte d'une félicité longtemps rêvée. Elle parut alors si merveilleusement belle à Henri que toute cette fantasmagorie de haillons, de vieillesse, de draperies rouges usées, de paillassons verts devant les fauteuils, que le carreau rouge mal frotté, que tout ce luxe infirme et souffrant disparut aussitôt. Le salon s'illumina, il ne vit plus qu'à travers un nuage la terrible harpie, fixe, muette, sur son canapé rouge et dont les yeux jaunes trahissaient les sentiments serviles que le malheur inspire. Ou que cause un vice sous l'esclavage duquel on est tombé comme sous un tyran qui vous abrutit sous les flagellations de son despotisme. Ses yeux avaient l'éclat froid de ceux d'un tigre en cage qui sait son impuissance et se trouve obligé de dévorer ses envies de destruction. « Quelle est cette femme ?» dit Henri à Paquita. Mais Paquita ne répondit pas. Elle fit signe qu'elle n'entendait pas le français et demanda à Henri s'il parlait anglais. De Marsay répéta sa question en anglais. « C'est la seule femme à laquelle je puisse me fier, quoiqu'elle m'ait déjà vendue, » dit Paquita tranquillement. « Mon cher Adolphe, c'est ma mère, une esclave achetée en Géorgie pour sa rare beauté, mais dont il reste peu de choses aujourd'hui, elle ne parle que sa langue maternelle. » L'attitude de cette femme et son envie de deviner, par les mouvements de sa fille et de Henri, ce qui se passait entre eux, furent expliqués soudain au jeune homme que cette explication mit à l'aise. « Paquita, lui dit-il, nous ne serons donc pas libres ?»« Jamais, dit-elle d'un air triste, nous avons même peu de jours à nous. » Elle baissa les yeux, regarda sa main et compta de sa main droite sur les doigts de sa main gauche, en montrant ainsi les plus belles mains que Henri eût jamais vues. « 1, 2, 3 » Elle compta jusqu'à 12. « Oui, dit-elle. » « Nous avons 12 jours. »« Et après ?»« Après ?» dit-elle en restant absorbée comme une femme faible devant la hache du bourreau et tuée d'avance par une crainte qui la dépouillait de cette magnifique énergie que la nature semblait ne lui avoir départie que pour agrandir les voluptés et pour convertir en poèmes sans fin les plaisirs les plus grossiers. « Après ?» répéta-t-elle, ses yeux devinrent fixes. Elle parut contempler un objet éloigné, menaçant. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Cette fille est folle, » se dit Henri, qui tomba lui-même en des réflexions étranges. Paquita lui parut occupée de quelque chose qui n'était pas lui, comme une femme également contrainte, et par le remords et par la passion. Peut-être avait-elle dans le cœur un autre amour qu'elle oubliait et se rappelait tour à tour. En un moment, Henri fut assailli de 1000 pensées contradictoires. Pour lui, cette fille devint un mystère. Mais en la contemplant avec la savante attention de l'homme blasé, affamé de voluptés nouvelles, comme ce roi d'Orient qui demandait qu'on lui créât un plaisir, soif horrible dont les grandes âmes sont saisies, Henri reconnaissait dans Paquita la plus riche organisation que la nature se fût complue à composer pour l'amour. Le jeu présumé de cette machine l'âme mise à part, eût effrayé tout autre homme que de Marsay. Mais il fut fasciné par cette riche moisson de plaisirs promis, par cette constante variété dans le bonheur, le rêve de tout homme, et que toute femme aimante ambitionne aussi. Il fut affolé par l'infini rendu palpable et transporté dans les plus excessives jouissances de la créature. Il vit tout cela dans cette fille plus distinctement qu'il ne l'avait encore vue, car elle se laissait complaisamment voir, heureuse d'être admirée. L'admiration de Marsay devint une rage secrète, et il la dévoila tout entière en lançant un regard que comprit l'Espagnol, comme si elle était habituée à en recevoir de semblables. « Si tu ne devais pas être à moi seul, je te tuerais, » s'écria-t-il. En entendant ce mot, Paquita se voila le visage de ses mains et s'écria naïvement. « Sainte Vierge, où me suis-je fourrée ?» Elle se leva, s'alla jeter sur le canapé rouge, se plongea la tête dans les haillons qui couvraient le sein de sa mère et y pleura. La vieille reçut sa fille sans sortir de son immobilité, sans lui rien témoigner. La mère possédait au plus haut degré cette gravité des peuplades sauvages, cette impassibilité de la statuaire sur laquelle échoue l'observation. Aimait-elle? N'aimait-elle pas sa fille? Nulle réponse. Sous ce masque couvaient tous les sentiments humains, les bons et les mauvais, et l'on pouvait tout attendre de cette créature. Son regard allait lentement des beaux cheveux de sa fille, qui la couvait comme d'une mantille, à la figure d'Henri qu'elle observait avec une inexprimable curiosité. Elle semblait se demander par quel sortilège il était là, par quel caprice la nature avait fait un homme si séduisant. « Ces femmes se moquent de moi !» se dit Henri. En ce moment, Paquita leva la tête, jeta sur lui un de ces regards qui vont jusqu'à l'âme et la brûlent. Elle lui parut si belle qu'il se jura de posséder ce trésor de beauté. « Ma Paquita, sois à moi. »« Tu veux me tuer ?» dit-elle peureuse, palpitante, inquiète, mais ramenée à lui par une force inexplicable. « Te tuer, moi ?» dit-il en souriant. Paquita jeta un cri d'effroi, dit un mot à la vieille, qui prit d'autorité la main de Henri, celle de sa fille, les regarda longtemps, les leur rendit en hochant la tête d'une façon horriblement significative. « Sois à moi ce soir, à l'instant, suis-moi, ne me quitte pas, je le veux, Paquita, m'aimes-tu ? Viens. » En un moment, il lui dit mille paroles insensées, avec la rapidité d'un torrent qui bondit entre les rochers et répète le même son sous mille formes différentes. « C'est la même voix, » dit Paquita mélancoliquement sans que de Marsay pût l'entendre, « et la même ardeur, » ajouta-t-elle. « Eh bien, oui. » dit-elle avec un abandon de passion que rien ne saurait exprimer. « Oui, mais pas ce soir. Ce soir, Adolphe, j'ai donné trop peu d'opium à la Concha. Elle pourrait se réveiller, je serais perdu. En ce moment, toute la maison me croit endormie dans ma chambre. Dans 2 jours, sois au même endroit. Dis le même mot au même homme. Cet homme est mon père nourricier, Christe mio m'adore, et mourrait pour moi dans les tourments sans qu'on lui arrachât une parole contre moi. » « Adieu, » dit-elle en saisissant Henri par le corps et s'entortillant autour de lui comme un serpent. Elle le pressa de tous les côtés à la fois, lui apporta sa tête sous la sienne, lui présenta ses lèvres et prit un baiser qui leur donna de tels vertiges à tous deux que de Marsay crut que la terre s'ouvrait et que Paquita cria « Va-t'en » d'une voix qui annonçait assez combien elle était peu maîtresse d'elle-même. Mais elle le garda tout en lui criant toujours « Va-t'en » et le mena lentement jusqu'à l'escalier. Là, le mulâtre, dont les yeux blancs s'allumèrent à la vue de Paquita, prit le flambeau des mains de son idole et conduisit Henri jusqu'à la rue. Il laissa le flambeau sous la voûte, ouvrit la portière, remit Henri dans la voiture et le déposa sur le boulevard des Italiens avec une rapidité merveilleuse. Les chevaux semblaient avoir l'enfer dans le corps. Fin de la section 11.